Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. Nouveau cabinet des ministres, plusieurs analyses d'ailleurs. Je vous lis un passage de la chronique d'Yves Boisvert qui note le vide absolu de la réponse d'une nouvelle ministre. Mais c'est comme ça. Cela se passait mercredi, c'était la première rencontre d'Isabelle Melançon avec les journalistes en tant que nouvelle ministre de l'Environnement. Un journaliste lui demande quel message la politique du gouvernement envoie à l'industrie du gaz et du pétrole avec le virage vert annoncé. Réponse, bien moi, ce que je vais regarder, vous savez, c'est le développement durable, l'environnement, la lutte contre les changements climatiques. Merci Charles, mais j'ai un chapeau et je vais le mettre. Vous savez, un conseil des ministres, ça travaille ensemble. Moi, j'ai un chapeau et je vais le porter avec beaucoup de joie. Je suis une travaillante. Mais le message aux entreprises, ma porte a toujours été ouverte. Je l'ai fait comme député, je vais le faire comme ministre. Je suis là pour veiller au grain et c'est ce que je vais faire. J'imagine que l'industrie sait à quoi s'en tenir, d'écrire Yves Boisvert. Ouais, effectivement. De beaux jours s'annoncent. De beaux jours s'annoncent. Certains parlent de jupons électoraux qui dépassent. Oui, oui, mais c'est pas un peu toujours comme ça? T'sais, oui, vraiment. Là, t'sais. Et c'est ce qui est dommage en même temps parce que ça empêche de poser des gestes forts et cohérents parce qu'on pense en fonction de la prochaine élection. C'est bâti comme ça. Alors, on est davantage sur les gestes de com', sur les images, sur la création d'impressions. On veut donner l'impression que ça rajeunit, qu'il y a du sang neuf, que c'est une nouvelle administration, que tout ira pour le mieux. Assermentation de ministres, des membres du Conseil des ministres, priorité à la réduction du fardeau fiscal, à la qualité de vie, aux régions, à l'innovation et à la jeunesse. Le premier ministre Philippe Couillard a donné le mot d'ordre aux 31 membres du Conseil des ministres de faciliter la vie des familles et de tous les Québécois d'ici les prochaines élections générales. Oui, bien sûr. Mais à Québec, on voit clairement s'aiguiser les armes électorales, avec la CAQ comme principal adversaire des libéraux. Le ministre Proulx qui vient de la DQ, responsable de la capitale, plus combatif, plus efficace que le ministre Blais qui avait la responsabilité jusque-là. On nomme Véronique Tremblay comme déléguée au transport, totalement inexpérimentée, mais c'est pas grave. Elle est déléguée, on va lui dire quoi faire. Elle va sourire, elle a le profil médiatique pour pas trop se faire ramasser par les médias locaux, donc c'est un choix électoral évident. Mais pas un choix pour régler des choses, sinon pour dire aux prochards de pas trop s'inquiéter, avec Proulx et Tremblay, ça va rouler. Au-dessus d'une néophyte, il y a un néophyte comme ministre des Transports, le plus gros donneur d'ouvrage au Québec, un ministère compliqué qui a son lot de problèmes graves, c'est tout un pari. Mais au moins, le ministre n'est pas séparé en deux ministères, donc il va faire juste ça. Mais là, vous vous dites, oui, mais pourquoi? Est-ce que Couillard pouvait faire mieux? Parce que du 109, il n'y en a pas vraiment, finalement. La plupart étaient là, ils sont encore là. C'est tout un... c'est tout un calcul de faire un cabinet. Quand vous y pensez deux minutes, il faut mélanger tout ça dans le même moule. Il faut que vous ménagiez les susceptibilités pour pas faire trop d'ennemis dans votre propre camp. Il faut faire plaisir au plus de régions possibles, sinon on va vous le reprocher. Vous allez dire, j'ai nommé un ministre, là, ce ministre-là qui est chez vous, là, fait que ça prouve que vous êtes important pour nous autres. Là. C'est ça le message qu'on veut envoyer, là. Il y a eu des critiques, alors Couillard a répondu, hey là, fâché, là, c'est quoi vous voulez, là, du temps, là? Il y a quelqu'un qui a écrit, le changement le plus nécessaire au Conseil des ministres n'a pas été fait, c'est toujours Couillard, le premier ministre. C'est un vrai casse-tête en même temps. Mais qu'il pouvait faire d'autre? On l'a dit, la plupart sont encore de l'ère Jean Charest. Ben oui, mais ils sont réélus, donc ils sont encore là. Quelle carte il y avait dans son jeu? Et prendre des députés verts, c'est cute, mais c'est un risque. Évidemment, certains ministères sont pilotés par des sous-ministres qui sont très forts, compétents, qui vont prendre les nouveaux ministres par la main. C'est comme ça que ça marche. Ça devrait être pas si pire. Donc, l'objectif, c'est pas tellement de régler des dossiers. Dans une large mesure, ça va se gérer tout seul. L'objectif, c'est d'envoyer des messages pour les élections. Robert Poëty sera là pour assurer l'intégrité, il y a un vent de fraîcheur. Mais en même temps, on nomme une ministre à la culture qui a des compétences en environnement et une ministre de l'environnement qui a des compétences en communication. On aurait pu faire l'inverse. Hein? C'est comme si on avait voulu aller vite. Parce que ce sont les images qui sont importantes, plus que le fond. En image, on va nous dire qu'on a bien géré, qu'on distribue des milliards de surplus, on va baisser vos impôts. Mais dans le fond, on a magané les plus fragiles pour y arriver. Et sur le plan économique, affaiblir l'éducation, la santé, on ne paye pas le prix tout de suite, là. Surtout en éducation. C'est beaucoup plus tard. Mais ça, c'est pas grave. L'élection va être passée. Bienvenue à Iconophile. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And what do I get? Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. On est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/iconophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Ben, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben, vous allez sur iconophile.net et vous y arrivez directement. iconophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On va y placer des liens utiles, des articles dont on vous parle au cours de l'émission. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions » pour le Saint-Brasse. Alors, cette semaine, c'est une émission un peu spéciale. Mon cher collègue Jean-Claude Cloutier n'est pas là. Mais, attendez avant de zapper. Attendez, avant de zapper un autre poste. Il est pas là, physiquement, mais il est là. Sur un autre plan, sur le plan sonore, en fait. Ça, il est tout à fait là. Ouf. Alors oui, j'ai pris quelques minutes pour enregistrer ces commentaires au sujet de notre très, très intéressant sujet, important thème de la semaine, le salaire minimum à 15$. Question très, très actuelle. Hein? C'est demain le 15 km pour 15$ le 15 octobre. Alors, j'aurai donc les commentaires de mon collègue économiste à vous faire entendre et puis aussi les commentaires d'un autre économiste qui s'est prononcé à maintes reprises à ce sujet. Il a écrit là-dessus aussi beaucoup. Je parle de l'économiste Pierre Fortin, bien connu au Québec. Donc, on parlera des pour, des contre, le salaire minimum à 15$. Et puis, plus tard à l'émission, quelques mots à propos du nouveau Nobel. Ben, faites pas tout à fait Nobel, mais on l'expliquera d'économie. L'économiste Richard Thaler. Donc, on va en parler, mais Thaler. Et puis, chiffre de la semaine, je l'ai oublié la semaine dernière, c'était pas fort, mais je me reprends. Chiffre de la semaine, je vous le donne, c'est 7 hectares. Pas hectare, hectare, 7 hectares. Qu'est-ce que c'est au juste? Ma réponse en fin d'émission. Donc, primo, le salaire minimum. Hein? Pourquoi un salaire minimum? Pourquoi? En as-tu vraiment besoin de fixer un minimum? Ça peut être une question intéressante. La réponse est oui. Hein? Vous savez bien, on vit dans un joyeux monde capitaliste et s'il fallait que le minimum n'existe pas, ben il y aurait quelque part quelqu'un, un patron, des patrons qui dirait que les temps sont durs, qu'est-ce que tu veux? Hein? J'ai trois poches, c'est pas facile. Fait que c'est plus 10$ de l'heure que je te donne, mais 5. Je caricature, mais à peine. Le salaire minimum existe vraiment à la base pour protéger les travailleurs qui n'ont pas les capacités de négocier leurs conditions. Là où c'est pas possible de s'unir, de se défendre, ben il y a beaucoup de secteurs comme ça. Bref, pour d'abord vous faire un petit portrait de ce que c'est, de ce que ça veut dire, de qui est inclus là-dedans, j'en ai discuté avec Jean-Claude un petit peu. Le salaire minimum, c'est une politique qui date déjà de plusieurs années. C'est une politique qui vise au départ à protéger les travailleurs au bas de l'échelle, ceux qui n'ont pas de rapport de force vers leur employeur finalement. Ils n'ont pas de gros syndicats, ils ne sont pas capables de négocier leur salaire. Donc, c'est pour réduire, dans le fond, les conditions déplorables que vivent certains travailleurs au bas de l'échelle, puis en même temps, bien, réduire l'extrême pauvreté là, qui peut les affliger. Le mouvement a débuté, le mouvement de hausser le salaire minimum, évidemment, c'est toujours un peu dans l'air, mais ça a connu une nouvelle impulsion, disons, à peu près l'année passée, là, aux États-Unis, à plusieurs États. Dans plusieurs États, on a des villes ou des États ont proposé d'augmenter le salaire minimum. On a pris le chiffre de 15 $ de l'heure, là, je ne sais pas, peut-être parce que c'est un chiffre rond, tout simplement. Je ne pense pas que c'était basé sur une autre logique que ça fait image, 15 $ de l'heure, c'est facile à retenir. Rappelons, par exemple, que San Francisco envisage mettre un salaire de 15 $ de l'heure dès 2018, c'est-à-dire New York en 2019, l'État de Washington en 2020. Seattle en 2021, la Californie en 2023. Donc, on voit que c'est un peu étalé. L'Alberta, ici, à la fin de 2018, ça a créé certains remous aussi en Alberta et au Canada. Ça a peut-être donné l'exemple en Ontario. On sait que Mme Wynne fait un peu sa prochaine campagne, là, premier ministre de l'Ontario, fait un peu sa campagne sur un salaire de 15 $ de l'heure en Ontario dès 2019, c'est-à-dire dans 2 ans. On augmenterait déjà à 14 $ en 2018. Donc, et ça a créé beaucoup de remous là aussi. Il y en a beaucoup qui sont sceptiques là-dessus, mais ça a créé un intérêt. Et c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de... Je pense qu'au Québec, c'est vraiment la FTQ qui a lancé l'idée il y a à peu près un an maintenant. Il la relance cette fin de semaine-ci. Demain, il y a une manifestation pour relancer l'idée de 15 $ l'heure le plus tôt possible. D'après ce que j'ai vu, la FTQ est quand même assez prudente parce qu'ils disent qu'il faudra que ce soit d'ici 2022. Ils disent pas nécessairement, contrairement peut-être à l'impression qu'on a des fois, c'est pas nécessairement 15 $ l'heure immédiatement ou l'année prochaine, c'est d'ici 2022, mais le plus tôt possible. Si c'est avant, tant mieux, tout le monde va être bien content. Ça concerne un certain nombre de personnes. Oui, ben c'est ça. C'est important de le rappeler aussi. Au Québec, il reste que ça. J'ai des chiffres de 2015. Là, c'est probablement quand même assez exact encore aujourd'hui. Ce serait 210 000 travailleurs au Québec qui seraient au salaire minimum. C'est à peu près 6 % des salariés. C'est intéressant de noter qu'en Ontario, c'est 12 %. Je ne sais pas comment expliquer la différence, là, mais l'impact est beaucoup plus fort finalement en Ontario qu'au Québec. Puis au Saskatchewan, là, c'est 4 %. C'est 53 % de ces gens-là sont dans des établissements de moins de 20 employés. Ça dit tout, ça veut dire que c'est un problème de PME. Et même pas juste de petites et moyennes entreprises, mais même de très petites entreprises. Ouais. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas des grosses entreprises là, qui sont au salaire minimum. Puis l'autre variable très importante, 60 % des gens au salaire minimum, c'est des gens qui ont moins de 24 ans. Donc, c'est une clientèle de jeunes, soit d'étudiants, enfin de décrocheurs, ou de jeunes travailleurs. Puis 60 % travaillent à temps partiel là-dedans. Donc, quand on parle de décrochage scolaire, il faut se rappeler que c'est l'incitation éventuelle à joindre le marché du travail pour les étudiants, c'est pas nécessairement du décrochage, ça peut être du temps partiel. C'est-à-dire qu'un jeune qui est au cégep, ben, se dit, ben là, je vais faire plus d'heures au McDonald's ou chez Tim Hortons, mais à temps partiel. C'est-à-dire, il ne veut pas dire qu'il est nécessairement un décrocheur. Mais ça peut nuire à ses études, par contre. On jurerait qu'il est là, Jean-Claude. Donc, on comprend, c'est ça l'objectif ultime, hein? Quitter la pauvreté. Il faut que le travail soit capable d'améliorer ton sort, autrement, ben, c'est de la pauvreté, hein, c'est ça. Et on va nous sortir que le salaire minimum provoque l'effet inverse aussi, décourage certains d'embaucher autant de personnel qu'ils voudraient. Bon, ça, pour moi, ça c'est cute, mais si tu n'es pas capable d'offrir un salaire qui sort ton employé de la misère, peut-être ta business ne vaut pas la peine. Mais en tout cas, ceci dit, il se pose de très intéressantes questions, il faut le dire. On étudie la chose sérieusement du côté de la science économique. On cherche à déterminer, hein, c'est ça, à combien, là, quel est le salaire horaire idéal qui va aider l'économie, l'emploi et qui n'aura pas l'effet inverse. C'est pas facile. En bref, on cherche c'est quoi le bon pourcentage qui permet des plus et pas beaucoup de moins. Aux États-Unis, le débat est en cours, on l'a dit, hein, il y a des États qui l'ont fait, qui tranquillement se dirigent volontairement et visiblement vers le 15 $ de l'heure. Mais à certains endroits aux États-Unis aussi, on parle quand même de, on part de plus loin, hein. Il y a du 7,25 $ de l'heure, par exemple, hein. Ici, c'est 11,25 $ quand même. Donc, première partie de l'entrevue avec l'économiste Pierre Fortin pour parler de ce que ça représente le 15 $ de l'heure, effectivement. Salaire minimum, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut mettre de l'avant en premier plan? Bien, il faut d'abord savoir quels sont les objectifs qu'on vise avec en augmentant le salaire minimum. Et généralement, on vise deux objectifs, mais malheureusement, ils sont en partie contradictoires, ces deux objectifs-là. Le premier objectif, ça consiste à le mettre le plus élevé possible. Pourquoi? Parce que le salaire minimum, c'est le plus bas salaire, là, la définition le dit. Et donc, ça fait partie des outils qu'on a pour combattre la pauvreté. On veut que les travailleurs, des gens quand même qui prennent la peine de travailler et soient rémunérés le mieux possible pour leurs prestations de travail, afin qu'ils puissent mieux soutenir leur famille, notamment, premièrement. Donc, on veut que le salaire minimum soit le plus élevé possible pour combattre la pauvreté. La deuxième chose qu'on vise, c'est de savoir à quel endroit il faut s'arrêter. C'est sûr qu'on pourrait dire le salaire minimum, dans le moment, mettons, il est 11,25 $, on pourrait se dire, mais pourquoi on ne l'augmenterait pas? Les gens qui veulent l'augmenter à 15 $, pourquoi ça ne serait pas 25 $? T'sais, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'on recherche pour déterminer à quel niveau on doit s'arrêter. Et là, c'est là qu'est le deuxième objectif qu'on recherche. On veut protéger l'emploi. Il faut toujours se rappeler que le salaire minimum, il y a quelqu'un qui le paye quelque part. En général, ce sont des PME qui payent le salaire minimum. Et ces gens-là, évidemment, plus le salaire minimum est élevé, plus embaucher de la main-d'œuvre, ça leur coûte cher. Et par conséquent, moins ils vont en embaucher et moins la main-d'œuvre qu'ils ont embauchée, ils vont leur donner des heures de travail. Okay? Donc, on vise deux objectifs. Un, on veut le plus élevé possible, le salaire minimum, mais deuxièmement, on ne veut pas qu'il soit élevé au point que ça répande le chômage parmi les travailleurs au bas de l'échelle, parce que c'est sûr qu'avec un chômage plus élevé, là, ça fait le contraire de l'objectif qu'on recherche, qui est de combattre la pauvreté, parce que on gagne pas beaucoup d'argent quand on est en chômage. C'est facile à retenir, hein? 15 $, c'est pas compliqué, c'est un beau chiffre. Il y a quand même des gens qui, je présume, calculent, savent ce que ça peut représenter demain matin, 15 $. Est-ce que c'est immense? Est-ce que c'est raisonnable? Ça dépend de l'endroit en Amérique du Nord où vous établissez un salaire minimum à 15 $. D'abord, le salaire minimum à 15 $, oui, c'est un chiffron, mettons, ça se divise par 5, mais c'est tout simplement une imitation de ce qui a commencé comme mouvement aux États-Unis. Alors, en visant 15 $, ben là, on vise 15 $ canadiens au Canada, on vise 15 $ américains aux États-Unis. Maintenant, 15 $ à San Francisco, mettons, ça représente beaucoup moins que la moitié du salaire moyen. Ce qui est important pour déterminer l'impact négatif que ça pourrait avoir sur l'emploi, c'est de regarder la base de richesse qui permet de payer le salaire à partir de laquelle vous payez le salaire minimum. Or, à San Francisco, le salaire moyen, c'est à peu près 35 $. 15 $ par rapport à 35 $, c'est même pas 45% du salaire moyen. Et donc, c'est tout à fait acceptable et c'est tout à fait faisable d'accorder un salaire minimum demain matin de 15 $ en San Francisco. Et ce serait la même chose à New York, à Seattle, à Austin, au Texas. Par contre, au Québec et en Ontario, par exemple, à l'heure actuelle au Québec, le salaire minimum de 11,25 $, c'est 45-47% du salaire moyen qui est de 24 $ de l'heure. On n'est pas à 35 $ comme à San Francisco, là. Donc, notre base de richesse, là, c'est pas 35 $, c'est 24 $. Et 15 $ au Québec demain matin, ou 15 $ en Ontario demain matin, c'est beaucoup plus que la moitié du 24 $. La moitié de 24 $, ça serait 12 $. Donc, si vous le portez à 15 $, là, vous taxez énormément la capacité de nos PME de payer ces salaires-là. Les chiffres qu'on pourrait dire, ah, pourquoi c'est un peu arbitraire, ces 50 %-là, c'est parce qu'en fait, des augmentations sérieuses, on l'a vécu dans le passé. On l'a vécu dans le passé. En gros, moi, c'est une opinion personnelle basée sur ma connaissance de la littérature de recherche en Amérique du Nord là-dessus. C'est que en bas de 45 % du salaire moyen, c'est relativement peu d'impact sur l'emploi que vous avez. Comme par exemple aux États-Unis, le salaire minimum, là on parle du 15 $ à San Francisco, mais je veux dire, c'est pas plus que 7,5 $ dans la plupart des États américains. C'est très inférieur à 40 % du salaire moyen. C'est souvent proche de 35 % du salaire moyen. Alors, si vous augmentez le salaire minimum de manière importante aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et moi, je fais partie de la coalition pour augmenter le salaire minimum aux États-Unis de 20 à 30 % par rapport à la situation actuelle. Par contre, si vous dépassez le 45 % du salaire moyen, là, ça commence à gruger sur l'emploi. On a connu ça dans les années 1970 au Québec. On avait un salaire minimum qui a été porté jusqu'à 55 % du salaire moyen. Et là, on a vu une expansion du chômage. Le chômage s'est répandu, surtout parmi les femmes, puis les jeunes de 15 à 24 ans. Le taux de chômage s'est rendu presque à 20 % avant la fin des années 1970, alors que c'était beaucoup plus bas dans les autres régions d'Amérique du Nord où le salaire minimum n'était pas aussi élevé en proportion du salaire moyen. Oui, à l'époque, d'ailleurs, René Lévesque avait été forcé de geler le salaire minimum pendant 4 ou 5 ans pour qu'avec le temps, l'équilibre soit retrouvé de manière à protéger l'emploi. L'ennui, d'ailleurs, m'expliquait Pierre Fortin, c'est que les autres premiers ministres l'ont laissé descendre beaucoup trop bas. Il a fallu attendre la fin des années 90 avec Lucien Bouchard pour qu'on fasse repasser au-delà du 40 % du salaire moyen, environ 45 à 47 %. Le rapport est à peu près stable depuis, là. Aujourd'hui, sous Couillard, donc on explore cette hypothèse-là du 15 $ de l'heure. On passerait ça à 47 % environ là, du salaire moyen, de 47 en fait à peu près 50 %. Avant 2020, on est plus prudent qu'en Ontario qui veut aller très vite, passer rapidement de 11,40 à 14 d'un coup, là, puis à 15. Et les économistes craignent des effets. Il y a des économistes qui craignent des effets lourds pour l'emploi, très lourds, comme au Québec en 1975. Et c'est beaucoup ça d'ailleurs qui ressort et qu'on ressent quand on parle à ceux qui s'y opposent. Ils ont ça en mémoire, c'est assez frais. Parce que du coup, là, on serait en Ontario à environ 55 % du salaire moyen. Là, juste pour vous donner une petite idée, il y avait des textes là-dessus. On dit, entre autres, dans Le Devoir, le critique financier de l'Ontario est sceptique en ce qui concerne la politique du salaire minimum du gouvernement. Il estime environ 50 000 la perte d'emploi devant en résulter une cible qualifiée de conservatrice. En effet, j'ai trouvé des chiffres qui disaient de 80 à 90 000 emplois. Rien de moins, sauf qu'on répond, écoutez... le ministre Martel, qu'aucun travailleur ontarien à temps plein ne devrait éprouver de la difficulté à payer son loyer, à mettre de la nourriture sur la table et à prendre soin de sa famille, surtout dans le contexte où l'économie de la province se porte bien. C'est un argument intéressant, ça. Vous l'entendrez d'ailleurs, il y a Jean-Claude qui... en parle également, qui nuance un peu, parce que, bon, on nous dit en science, vous savez, on dit toujours qu'essayer la même expérience deux fois avec les mêmes paramètres, vous allez arriver au même résultat. C'est ça que nous dit la science. On peut se moquer de la science, faire semblant que c'est une opinion comme celle d'un gars assis dans le salon, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Mais Pierre Fortin, donc, il apprécie cette prudence-là qui est exprimée par beaucoup de partis politiques, d'ailleurs, OK. Mais Jean-Claude Cloutier, lui, notre économiste en résidence, il nous parle ici d'aspects qu'il faut considérer quand même. Peut-être l'élément de prudence fondamental, ça c'est un vieux réflexe, c'est un réflexe d'économiste, là. C'est l'application de la bonne vieille loi de l'offre et de la demande. Les économistes qui connaissent pas trop le dossier, puis c'est peut-être mon cas, commencent en premier réflexe de dire, ben dans le fond, c'est une offre de travail, puis c'est une demande de travail pour des employeurs. Puis si tu mets un prix plancher, ça veut dire que tu empêches la loi du marché de jouer, l'offre et la demande de jouer. En mettant un prix plancher, ça, normalement, ça devrait avoir pour effet, si la théorie est correcte, si Adam Smith a raison, ça va avoir pour effet de diminuer les quantités demandées. Si on demande plus cher pour un prix, pour un bien, pour un service, dans ce cas-là, c'est le travail, normalement, celui qui l'achète, l'employeur, va en prendre moins, ça coûte plus cher. Fait que ça, c'est le réflexe de base des économistes, qui est peut-être vrai dans l'absolu. En pratique, on n'est pas sûr que ça marche toujours. Les études sont assez contradictoires là-dessus, là, d'après les différentes expériences qu'on lui, y compris à Seattle. Je mentionnais tantôt que Seattle, on envisageait de monter ça assez rapidement à 15 $ de l'heure, mais on a déjà commencé. On était peut-être à 10 $. On y est allé progressivement, on a augmenté le salaire minimum. On s'est rendu compte, en tout cas, certaines études démontrent que ça n'a eu aucun impact négatif. Au contraire, l'emploi a augmenté. Le cas de l'Allemagne est intéressant aussi. En Allemagne, l'Allemagne, curieusement, c'est seulement qu'en 2015 qu'on a instauré un salaire minimum. C'était un des seuls pays développés, des pays avancés, qui n'avaient pas de salaire minimum parce qu'on préférait s'en tenir à d'autres approches, la concertation, une espèce de bonne entente entre les syndicats et le patronat. Mais on en a instauré un en 2015. Puis encore là, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça va avoir des effets dramatiques sur l'emploi, mais ça n'a pas eu d'effet dramatique. Au contraire, l'emploi continue d'augmenter. Mais il reste qu'au départ, la théorie économique, puis beaucoup d'économistes, le premier réflexe, ça va être de dire, faisons attention, ça peut être dangereux. Puis effectivement, dans certains cas, puis je pense que M. Fortin puis d'autres l'ont rappelé, on a cru voir que dans certains cas, quand le salaire minimum est très élevé, bien, ça peut avoir un impact négatif sur l'emploi. Moi, je pense, mais encore là, je tiens à préciser que je suis loin d'être un spécialiste de ces questions-là, mais je pense qu'il y a bien d'autres facteurs qui jouent, c'est-à-dire que le salaire minimum, dépendant dans quel secteur ça se produit. Si c'est un secteur de très petites entreprises, ça peut avoir un impact. Dans la grande entreprise, ça a probablement très peu qui payent déjà des salaires de 25-30 $ de l'heure. Ça n'a pratiquement aucun impact. Mais c'est aussi important, la conjoncture est importante. Si votre économie va bien, vous pouvez augmenter le salaire minimum, ça n'aura pas trop d'impact. Si vous avez une économie très productive, vous pouvez l'augmenter, ça n'aura probablement pas tellement d'impact. Dans le fond, vous ne faites que redistribuer du pouvoir d'achat envers les travailleurs. Si, prenons un exemple, reprenons l'exemple des années 70 où le salaire minimum était assez élevé par rapport aux autres économies nord-américaines. Effectivement, il y a eu beaucoup de chômage, mais le chômage au Québec n'était peut-être pas attribuable uniquement au salaire minimum, il était peut-être davantage attribuable au fait, on a parlé à cette émission-ci il y a quelques semaines, que les barrières tarifaires de la politique nationale du Canada avaient été abaissées. Des secteurs traditionnels au Québec, comme le textile, le vêtement, la chaussure, le meuble était soumis à une concurrence auquel il ne pouvait pas faire face et ça a créé beaucoup de chômage. Fait que démêler l'effet du salaire minimum puis d'autres effets de manque de compétitivité, ce n'est pas toujours évident, peu importe la bonne foi de ceux qui font les diverses études. Une des inquiétudes que manifestent certains économistes ou certains milieux d'affaires aussi, c'est de dire si on augmente le salaire minimum, de façon trop radicale, ça va être une forte incitation à la robotisation, c'est-à-dire à remplacer les travailleurs au bas de l'échelle par des machines. Et je pense que c'est une menace qui est très réelle. Je cite souvent le dernier congrès de mon association, l'Association des économistes québécois. Il y a un spécialiste qui nous disait qu'aux États-Unis, dans différents secteurs, le prix des robots maintenant, c'est entre 10 et 20 $ de l'heure aux États-Unis. Dépendant des secteurs, évidemment, parce que les robots ne sont pas applicables dans tous les domaines. Mais effectivement, on est dans le même spectre, dans le même ordre de prix, si on peut dire, que le salaire minimum. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si dans votre domaine, exemple à la caisse, puis notamment, je pense que c'est une compagnie récemment qui disait que si le salaire minimum augmente en Ontario, c'est $1 à $1, je vais engager des robots à la caisse. Ouais. Bien, effectivement, si votre robot vous revient à peu près à 15 $ de l'heure ou à 12 $ de l'heure, vous allez dire, bien là, je vais prendre un robot à place d'une personne. Donc, ça peut... Il ne peut pas arriver en retard, le robot. C'est ça. Il peut tomber en panne, mais il ne va pas arriver en retard. Fait que ça, effectivement, il y a peut-être un facteur de prudence, mais encore là, il faudrait voir, c'est pas dans tous les domaines qu'on peut engager des robots à 12 12 $ de l'heure, en tout cas, à un prix de revient de 12 $ de l'heure. Certaines études aussi, ça me surprend qu'on n'en parle jamais, mais sauf dans cette étude-là de l'Université de Waterloo, qui disait, oui, mais ça a, d'après l'expérience au Canada, ça a un impact aussi sur l'embauche des immigrants. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants, notamment au Québec, qui sont très qualifiés, ont des diplômes universitaires, mais ce n'est pas le cas de tous les immigrants. Des immigrants qui arrivent ici, qui ont très peu de formation, très peu de diplômes, finalement. Et dans ce cas-là, ben, les autres, ils se fient justement pour... ils offrent du service à un prix dérisoire, c'est-à-dire 8, 9 ou 10, 11 $ de l'heure, donc au salaire minimum. Si on le monte à 15 $, ben, peut-être les employeurs ne sont pas intéressés à miser sur cette clientèle-là. Donc, il pourrait y avoir un impact négatif sur l'intégration des immigrants. C'est un autre facteur, disons, de prudence, là. Puis pour ce qui est du décrochage scolaire, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est une menace qui, je pense, qui est réelle, mais moi, je pense qu'elle est exagérée, parce que ça me surprendrait que, surtout les hausses de salaire minimum, c'est pas toujours des bons de 4 ou 5 $, on passe pas de 10 à 15 $, c'est de l'ordre de, prenons l'exemple du Québec, on est passé le 1er mai dernier de 11,75 de 10,75 $ à 11,25, 50 cents, puis je suis pas mal sûr que les jeunes, personne ne s'est rendu compte de ça. Si tu ne changeras pas tes perspectives de carrière ou d'études pour 50 cents de plus de l'heure pour aller travailler chez McDonald's, je suis pas sûr que ça joue à ce point-là. Ça peut peut-être jouer un petit peu sur le travail à temps partiel, puis encore là, il faudrait voir. À peu près tous les jeunes aujourd'hui ont des job-in à temps partiel. Est-ce que ça va augmenter le problème? Est-ce que ça va les faire échouer davantage? Peut-être, mais ça reste à voir. Mais je pense là-dessus, il ne faut pas exagérer cet argument-là non plus. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL, David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier, mais en différé. Deuxième partie maintenant de l'entrevue avec Pierre Fortin. Il nous a mis en garde contre les effets sur le chômage. Il l'a bien dit. Vous voyez qu'on a comme, vous allez voir, là, plus ça va se poursuivre l'émission, on a comme deux points de vue qui se ressemblent, mais qui se distinguent en même temps. On a deux économistes, un peu deux écoles de pensée. Il a parlé de progression graduelle souhaitable du côté de Pierre Fortin parce qu'il y a d'autres effets dont il s'inquiète. Si Jean-Claude disait que le décrochage, il faut y faire attention, pour Pierre Fortin, lui, ça a l'air d'être assez clairement à surveiller. Bon, on comprend bien la question du chômage, mais dans votre texte, vous parlez même aussi du décrochage. Il y a un lien même qu'on peut faire avec ça, avec le décrochage. Ouais, c'est un fait passablement établi. Premièrement, que le taux de décrochage au Québec, le taux de décrochage scolaire, surtout chez les jeunes garçons, est extrêmement élevé. Il est beaucoup plus bas qu'il était il y a 20-25 ans. Là. On s'entend, là. Je veux dire, on a fait du progrès de ce côté-là. Mais à 19 ans, à la fin de 19 ans, le taux de décrochage scolaire au Québec est encore, ça c'est 7 ans après l'entrée au secondaire, on a encore 20% de nos jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, qui n'ont pas encore acquis un premier diplôme ou une première qualification qui leur donnerait un certificat quelconque. C'est bien évident que l'attrait du salaire sur le marché du travail compte pour beaucoup dans la décision du jeune de ne pas continuer ses études, de ne pas finir son secondaire. Premièrement, même au secondaire, il y en a beaucoup qui travaillent à temps partiel. Oui. Là, ils regardent ça et ils se disent, ben, si je travaillais à temps plein plutôt qu'à temps partiel, je pourrais me ramasser de l'argent beaucoup plus vite, je pourrais avoir mon char, le char que j'envisage d'acheter plus rapidement. Non, mais écoutez, oui. Je veux dire, il faut garder les deux pieds sur la terre, là. Qu'est-ce qui pousse un jeune garçon qui travaille déjà à temps partiel à décrocher? Bien, c'est sûr qu'il y a évidemment son résultat scolaire qui importe. C'est très important, comme dans la décision qui est prise pour continuer ou non. Mais même certains jeunes qui réussissent raisonnablement bien, ils veulent décrocher parce qu'ils veulent se faire plus d'argent le plus rapidement possible. Alors, imaginez-vous, à 11,25 $, on a encore 20% qui décrochent avant l'âge de 20 ans. Alors, imaginez-vous, si on le portait demain matin de 11,25 $ à 15 $, là, ce serait une forte augmentation du taux de décrochage parmi les jeunes, surtout les jeunes garçons, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut, bien sûr, l'augmenter le plus vite qu'on peut, mais respecter la base de richesse qu'on a au Québec et le faire de façon prudente. Bon, à cet égard-là, on le comprend bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notamment section patronale, FCI répondent, ben, en même temps, il y a d'autres mesures peut-être auxquelles on peut songer pour lutter contre la pauvreté. Il y a d'autres choses à faire finalement que ça. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise idée d'augmenter le salaire minimum, mais il faut tourner le regard ailleurs aussi. Oui. Un objectif du salaire minimum, c'est de combattre la pauvreté des travailleurs au bas de l'échelle, mais c'est pas le seul moyen qu'on peut employer pour le faire, évidemment. Et si on décide de ne pas augmenter le salaire minimum autant qu'on voudrait, on veut l'augmenter le plus possible, mais on s'arrête parce qu'on veut pas que ça crée du chômage, on voudrait quand même trouver des moyens qui pourraient nous aider à poursuivre l'objectif de combattre la pauvreté chez les travailleurs au bas de l'échelle. Je parlerai pas d'une dizaine de moyens, mais mettons que je me concentre sur un de ces moyens-là. Un de ces moyens-là, ce serait de réduire la taxe sur la masse salariale que le gouvernement du Québec impose aux PME. En moyenne, au Québec, là, en général au Québec, n'importe qui embauche un travailleur doit payer une taxe de 4,25% sur la masse salariale qu'il impose. Il y a des réductions, certaines réductions là, pour les premiers emplois et puis pour les entreprises qui sont à plus bas revenu annuel, mais en général, la masse salariale est taxée. En gros, cette taxe à masse salariale-là, c'est au Québec qu'elle est la plus élevée au Canada. Le Québec, en taxe sur la masse salariale, là, je ne parle pas de la cotisation à l'assurance chômage ou au régime de rente, là, mais je parle de la taxe pour ce qu'on appelle le fonds des services de santé. On paie au Québec la moitié de toutes les taxes à masse salariale qui sont payées à ce titre-là au Canada. On pourrait baisser ça. Et en baissant les taxes à masse salariale, une conséquence immédiate, ce serait que les entreprises chez nous, les PME, pourraient augmenter les salaires des gens au bas de l'échelle plus que ce serait le cas autrement. Et dans la littérature de recherche sur cette question-là, c'est effectivement la conséquence qu'on observe sur le salaire des gens au bas de l'échelle lorsque la taxe à masse salariale est réduite. Tu joues l'avocat du diable, s'il y en a qui pourraient dire ouais, est-ce qu'ils ont vraiment pas les moyens? Est-ce qu'ils font vraiment autant pitié que ça? Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Est-ce que c'est pas parce qu'on a envie de garder notre profit pour soi? Je donne par exemple aux États-Unis, quand vous citiez du 20 ou du 30%, ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un quelque part qui garde l'argent dans le processus. Qu'en est-il pour nous de la vraie capacité de ces gens-là à payer? On parle du salaire minimum, OK? On parle pas du salaire moyen, là. Mm-hmm. On parle du salaire minimum. Et en général, les gens qui font énormément de profits ou les secteurs industriels où la monopolisation de l'entreprise est à un degré relativement élevé, où les dirigeants d'entreprise se versent des salaires, des rémunérations absolument faramineuses, c'est pas les PME. Ce sont les plus grosses entreprises, les entreprises de taille moyenne, mais surtout les plus grandes entreprises. Là, on parle plus du salaire minimum, on parle de salaire moyen, puis de salaire bien au-dessus de la moyenne. Le salaire minimum, en immense majorité, ce sont les PME qui le payent. Puis les PME, en général, ils sont dans un milieu qui est très concurrentiel et où les profits de monopole sont relativement faibles. Je veux dire, on peut se trouver des exemples où il y a effectivement de l'exploitation de la main-d'œuvre parmi un certain nombre de PME, mais c'est relativement faible comme proportion, en proportion du total. Et par conséquent, lorsqu'on prend une décision en ce qui concerne le salaire minimum, on dit, ben le salaire minimum, on l'augmentera pas parce que c'est dangereux que ça cause du chômage accru. Premièrement, on l'observe, ça, on l'a calculé, l'impact sur le chômage. On sait que, par exemple, une augmentation d'un point de pourcentage du salaire minimum, par exemple, si on le fait passer de 50 à 55, on parle ici d'une destruction d'emplois, de 30 000 emplois, et que ce serait des PME qui embaucheraient moins de monde à cause de ça. On ne peut pas développer une politique générale où on a, mettons, 10 % des entreprises qui seraient, comme on dirait, que je mettrais en guillemets, des exploiteurs du peuple, alors que 90 % sont vraiment, ils ont vraiment de l'eau jusqu'à la lisière du nez, puis essayent de survivre d'un monde extrêmement concurrentiel. Et si vous augmentez le salaire minimum, vous allez pratiquement les forcer à donner moins d'heures de travail à leurs employés ou à en embaucher moins et à accélérer la robotisation, la mécanisation des tâches de manière à réduire l'emploi le plus possible. Oui, oui. Grave question, hein? Grave question que celle de la capacité des PME à payer. Évidemment, quand on parlait de richissimes qui soupaient leurs employés, moi, je pensais notamment à Alain Bouchard, hein, fondateur de Couche-Tard, parce qu'un dollar 25 $, ça fait quoi moins de 20 000 par année, à peine mieux que le seuil de pauvreté, en tout cas le salaire viable dont on parlait. Et pour vous donner une petite idée, salaire minimum à 15 $ de l'heure, Couche-Tard pense à fermer des magasins. Le fleuron québécois craint de devoir fermer des magasins en Ontario en raison de la hausse prochaine du salaire minimum à 15 $, a-t-on appris en marge d'une conférence de presse annonçant 200 nouveaux emplois au centre de services de Laval. Oui, il y aura des fermetures, je ne peux pas dire combien. Il y aura la disparition de plusieurs commerces en Ontario, a dit Alain Bouchard, fondateur et président exécutif de Couche-Tard. Il faut savoir qu'Alain Bouchard, il vaut, attention, fortune personnelle de 3,5 milliards. Voilà, ça en dit long quand même, à mon avis. Maintenant, Jean-Claude, qui je lui ai demandé de nous parler aussi des aspects intéressants, plus positifs, des éléments positifs dont il faut tenir compte dans cette idée ou non de hausser le salaire minimum. Oui, donc l'IRIS, une de ses études là, sur des sujets comme le salaire minimum, les autres, ils rappelaient, ils ont calculé que pour 2016, les autres, c'est la notion de salaire viable, un salaire qui te permet vraiment de sortir de la pauvreté, là, que tu n'es pas vraiment à la limite. Là. Pour une personne seule, c'était de 15 78 $ à Montréal. Donc, pour eux, pour une vie décente, une vie vraiment pas dans la grosse misère, à Montréal, c'est 15 78 $. À Québec, ce serait 15 42 $. Donc, tu es déjà un peu au-dessus de la référence de 15 $ de l'heure en 2016. Fait que, rappelons-nous que le Québec, la ministre Dominique Vient a annoncé en janvier dernier qu'elle pensait à une augmentation qui nous reporterait là, même autour de 14 $ en 2022. Donc, on est assez loin. Il y a un écart, en tout cas, par rapport au salaire viable tel que préconisé par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'argument, j'en ai glissé un petit mot tantôt brièvement, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires canadiens, pas juste ontariens, mais canadiens de toutes les provinces, y compris du Québec, qui ont réagi à la proposition de l'Ontario, de Mme Wynne, d'augmenter ça à 15 $ en 2019 pour l'Ontario. 53 économistes ont dit que c'est une très bonne idée, notamment parce que ça va distribuer du pouvoir d'achat, notamment parce que c'est une politique qu'on pourrait qualifier de keynésienne. Ils ne le présentent pas comme ça, là, mais c'est qu'en injectant de l'argent dans l'économie via les travailleurs, ben, dans le fond, tu crées une nouvelle demande. Les gens qui ont plus d'argent dans leur poche, surtout ceux qui sont au salaire de base, au salaire minimum, ben, ils vont pouvoir consommer davantage, donc faire vivre les commerces autour de chez eux, créer de l'emploi et créer des revenus pour le gouvernement. Donc, c'est une politique vraiment keynésienne. On relance l'économie, on stimule l'économie en injectant davantage d'argent dans les poches des citoyens. Et cet argument-là, donc, ça génère de l'activité et indirectement, ça rentre dans les coffres du gouvernement, ça génère davantage d'impôts, bien, c'est important. Puis l'IRIS, dans une autre étude, toujours l'Institut de recherche et d'information socio-économique, mentionnait qu'en augmentant à 15 $ de l'heure au Québec, bien, ça générait au gouvernement fédéral des revenus de 745 millions, puis au gouvernement du Québec des revenus de 930 millions. Fait que c'est quand même pas négligeable. Le gouvernement serait à la limite bénéficiaire. Pourquoi? Peut-être de deux façons. Je viens de le mentionner parce qu'il y aurait plus de recettes fiscales, mais je pense qu'une autre chose importante aussi, c'est que, puis ça, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, quand tu sors les gens de la pauvreté, de la grosse misère, ils sont moins des clientèles des services de santé, il y a moins de dépression, il y a moins de violence conjugale, il y a moins de délinquance, il y a moins de gens qui se retrouvent en prison dans le système judiciaire. Fait, finalement, il y a toutes sortes ça améliore le bien-être, commençons par ça, le bien-être des familles et des individus, mais c'est une charge bien moindre pour le gouvernement, l'économie fonctionne bien mieux. Donc ça, je pense, c'est un argument qui est toujours difficile à mesurer, ça prend un peu un acte de foi, dire que ça aura des impacts sur le bien-être et éventuellement sur les recettes fiscales du gouvernement. Mais je pense que c'est un argument qui est important, qu'il faut avoir en tête. Puis l'autre, moi, qui est encore... Puis les économistes qui ont appuyé Mme Wynne, la première ministre de l'Ontario, il y avait un autre argument qui me semble intéressant. Ils disent que finalement, si les gens sont plus heureux au travail, notamment s'ils ont un meilleur salaire, ils vont être plus productifs. Fait que ils vont être plus attachés à leur entreprise. Ils vont être moins portés à changer, quitter leur emploi pour chercher un autre employeur du jour au lendemain. Donc, au total, ça peut améliorer la qualité du système économique et donc la productivité. Puis c'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire si tu deviens plus productif, ben tu es plus intéressé, tu es plus en mesure de payer des meilleurs salaires. Donc, il y a peut-être des effets positifs là, importants et qu'il ne faut pas négliger dans ce dossier-là. En bout de piste, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a des pour, il y a des contre. Mais il y avait quand même, j'aimerais que tu me parles un petit peu quand même du dollar constant, parce que dans les chiffres de la FTQ, ce qui m'étonnait aussi, que l'on devait rappeler, c'est que dans le fond, il y a du rattrapage à faire, parce qu'on n'a pas, il explique dans les notions d'inégalité qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'argent qu'avant, d'autres, toute proportion gardée, pas beaucoup, sinon moins encore par rapport au passé, c'est énorme. Oui, c'est ça. Ben, il y a deux façons de considérer ça. Là. D'abord, oui, c'est vrai qu'automatiquement, et notamment la FTQ et d'autres ont montré aussi que la productivité avait quand même augmenté au cours des 30 dernières années, mais les salaires n'ont pas suivi, ni les salaires moyens, ni encore moins les salaires minimums, de sorte que c'est là que s'est créée une certaine inégalité. Il y a beaucoup de gens on parle souvent du 1% ou du 10% des mieux rémunérés, qui ont plus empoché les gains de l'activité économique des 30 ou 35 dernières années. Le salaire minimum permettrait éventuellement de compenser, de compenser un peu cet effet de creusage des inégalités. Ça, ce serait un des aspects positifs. Par contre, l'autre élément qu'il faut considérer, c'est que le salaire minimum, des économistes comme Pierre Fortin et plusieurs autres vont rattacher ça au salaire moyen. Ils vont dire, ben là, il ne faut pas dépasser. Dans le cas de Pierre Fortin, je pense que c'est 47%. Il va dire, oui. La norme, là, c'est un peu une règle du pouce, là, mais par expérience, on pense qu'il ne faut pas que le salaire minimum dépasse 47% du salaire moyen. Mais justement, ce qui est amusant là-dedans, c'est que le salaire moyen est beaucoup augmenté par le 1%. Plus le 1% fait de l'argent, plus ça monte le 47%. Donc, plus que ça monte la valeur du 47% qui, lui, est rattaché au salaire moyen. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant et un peu ironique dans tout ça, c'est que le fait qu'on veuille baser le salaire minimum sur le salaire moyen, bien, automatiquement, ça permet de suivre un peu les plus hauts salariés, c'est-à-dire ceux qui ont des très forts salaires. Ouais, on l'a entendu, hein. Dans le fond, ce qu'on comprend, là, si on pouvait résumer un peu, on est dans le macro, hein, dans la vision large. Les inégalités sont en croissance. D'ailleurs, vous le savez, le 1% maintenant, le plus riche, a plus que les 99 autres. N'affaire de rien. Donc, faut en tenir compte. Donc, les écarts s'agrandissent. Ça, c'est un fait. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est assez pour vivre? C'est pas assez pour vivre. Visiblement, si on reste encore trop bas, parce que la banque alimentaire, ben ça, c'est en hausse. Hein? Et pourtant, Jean-Claude l'a dit, hein, si t'es mieux payé, moins malade, plus heureux, plus productif, il y a des intérêts manifestes à cet égard-là, vraiment. Hein? Est-ce que ces gens-là, les gens qui sont en salaire minimum, est-ce que c'est des citoyens de seconde zone? Hein? Ils n'ont pas les moyens, eux autres, qui sèchent? Ben non. La richesse, c'est un vase communicant. Ça se fait pas tout seul, ça se communique pas tout seul, même si c'est un vase communicant. C'est pas aussi simple. Hein? On est donc beaucoup dans un système qui résiste, qui fait pression, qui veut pas qu'on agrandisse la brèche, Je parle pas de Marc Labrèche, je parle de Labrèche, l'autre. Hein, c'est mon argent, toi, j'y pas. Ben non, c'est pas juste à toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la calasse que vous entendez derrière. Extraordinaire. Changeons de sujet, donc, sur ce thème important du 15 $ de l'heure. Maintenant, Nobel d'économie, Richard Thaler, un spécialiste de la finance comportementale et le lauréat du prix Nobel d'économie 2017, je le mets entre guillemets, là. Les contributions de Richard Thaler ont jeté un pont entre les analyses économiques et psychologiques dans la prise de décision individuelle, a déclaré l'Académie royale de sciences de Suède. Parce que, oui, la précision, le prix Nobel d'économie, dont le nom officiel est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, a été créé en 1968. Il est doté d'une bourse de 1,4 million de dollars canadiens, mais quand même, c'est pas rien. Et d'ailleurs, à ce propos, M. Thaler s'est dit très heureux d'être récompensé et a dit promettre d'essayer de dépenser son prix de la façon la plus irrationnelle possible. Hein? Bon, quand même, c'est cute. Et juste avant d'entendre Jean-Claude et ce qu'il avait à en dire, deux citations qui vous décrivent bien le personnage, qui il est, ce gars-là. Il dit ceci, M. Thaler, j'entends. J'essaie de montrer aux gens à faire moins d'erreurs, mais la conception des politiques économiques doit tenir compte du fait que les gens sont occupés, distraits, paresseux et que nous devrions leur faciliter la tâche autant que possible. Heureusement, les humains sont un peu plus gentils que ce que considèrent les économistes. Il y a bel et bien des gens qui laissent de l'argent au kiosque de fruits en vente libre au bord des routes ou qui donnent de l'argent à la radio publique afin que nous puissions l'écouter. Ah, ouais. Mais c'est ça, M. Thaler. Voici Jean-Claude à ce propos, d'ailleurs. Ben Richard Thaler, dans le fond, c'est un économiste américain là, puis qui a fait sa carrière un peu dans Il était recruté à l'Université de Chicago, mais maintenant il fait sa carrière à une autre université. Et c'est surtout, son approche est intéressante dans le sens qu'il s'éloigne un peu du modèle classique des économistes, de l'économie, dans le fond, basée sur la rationalité pure, dans le fond, qu'on maximise toujours le gain, c'est-à-dire on calcule. Quand on a une décision à prendre, que ce soit d'investir dans des actions, de partir une entreprise, de se trouver un emploi, d'acheter une maison, on ferait toujours un calcul, dire ça va me coûter combien, ça va m'apporter combien. Si les bénéfices l'emportent sur les dépenses, je prends la décision. Puis sinon, si c'est l'inverse, ben, si ça me coûte plus cher que ça rapporte, je ne prends pas cette décision-là. Je ferai une autre décision. Lui, il remet en cause cette rationalité. Il y a une approche plus de psychologue. En fait, on dit que c'est un économiste qui a mis l'accent sur l'économie comportementale, c'est-à-dire une notion plus de psychologue, comment les gens se comportent dans la vraie vie, indépendamment de la rationalité. Puis lui, il n'est pas le premier à faire ça. Là. Il y a un autre prix Nobel, Daniel Kahneman, qui a gagné le prix Nobel, qui lui était vraiment un psychologue, t'as même pas un économiste, qui a gagné le prix Nobel d'économie en 2002. Les deux, c'est la notion que des gens prennent des décisions qui ne sont pas rationnelles. C'est très, très important en économie, finalement. Pourquoi les gens prennent des décisions qui ne sont pas rationnelles? Parce qu'ils ont des façons de penser qui sont plus émotives. Par exemple, on va accorder la préférence au court terme à la satisfaction immédiate. Ce qui me rapporte tout de suite, là, c'est ça qui est important. Ça a beaucoup plus d'importance qu'un bénéfice beaucoup plus important qui aura lieu l'année prochaine ou dans 10 ans. l'attitude du public face au changement climatique est très, très illustrative de ça. On veut continuer de consommer du pétrole aujourd'hui, même si on nous dit que dans 50 ans, ça va être un désastre. Et une autre façon de non rationnelle de raisonner, puis dans ce cas-là, c'est assez intéressant, les gens accordent plus d'importance à l'équité qu'à la rentabilité. Puis un exemple récent qu'on a eu de ça, c'est que des détaillants, des commerçants qui ont décidé de vendre l'eau en bouteille plus chère lors des ouragans dans le sud des États-Unis, ouais. Les gens ne tolèrent pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, puisque cette compagnie-là, puisque ce détaillant-là fait ça, je ne jette plus chez lui, quitte à payer deux fois plus cher ma bouteille d'eau minérale ou d'eau en bouteille là, chez un concurrent. L'autre façon aussi, les gens accordent beaucoup plus d'importance à une perte qu'à un gain éventuel. C'est-à-dire que si tu places les gens devant une alternative, tu as à peu près, disons, tu as 40%, tu as 30% des chances de perdre 100 $, puis tu as 70% de gagner 100 $. Les gens vont quand même préférer ne pas perdre le 100 $ qu'ils ont déjà, même s'il y a seulement 30% des chances de perte, que la probabilité de gagner 100 $ qui, elle, sera beaucoup plus élevée. Donc, il y a une aversion, les gens valorisent, pondèrent davantage, accordent plus d'importance à perdre ce qu'ils possèdent déjà qu'à un gain éventuel. Et il y a d'autres exemples comme ça. Là. Les gens, par exemple, aussi, c'est classique en bourse, là. Il y a une espèce d'erreur qui dit on est porté à croire que ça va continuer de bien aller. Puis dans l'immobilier, c'est la même chose aussi. Ouais, je vais acheter une maison parce que ça a tellement augmenté le prix des maisons depuis une couple d'années, puis ça va être un très bon placement. Alors qu'on sait très bien, puis en bourse, c'est la même affaire. Je vais acheter des actions de telle compagnie parce qu'elle a beaucoup augmenté. Mais c'est justement parce qu'elle a beaucoup augmenté, les chances sont qu'elle va baisser. Mais les gens ne sont pas capables. J'avoue que c'est facile à critiquer moi-même. Je suis souvent victime de ce biais-là. On est porté à croire que quand ça va bien, ça va toujours bien aller. Puis quand ça va toujours mal aller. Alors ce sont autant de biais. Il y a d'autres exemples aussi. Il me serait trop long de les énumérer. Effectivement, donc, personnage quand même intéressant, M. Thaler. En terminant, chiffre de la semaine, 7 hectares, c'était pour faire référence à l'empreinte écologique au Canada, qui est de 7 hectares par personne, alors que l'allocation mondiale moyenne est de 1,9. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes le plus grand consommateur d'énergie au monde par habitant. Nous sommes le plus grand consommateur d'eau douce au monde par habitant. Nous sommes le deuxième plus grand producteur de gaz à effet de serre au monde per capita. Ils augmentent encore de 1,5% par année. On est vert, hein? Pas tant que ça. Voilà donc qui termine notre émission pour cette semaine. Merci à Jean-Claude et à Pierre Fortin, deux économistes. La semaine prochaine, on parlera des enjeux économiques à l'échelon municipal. C'est dans le ton, manquez pas ça. Je vous rappelle que nous mettons les liens pertinents sur notre blog et puis en plus des textes de blog qui résument nos propos. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci, à samedi prochain.